Chapitre 4. La maréchale était prête et l'attendait. « C'est gentil cela, » dit-elle, en fixant sur lui ses jolis yeux à la fois tendres et gais. Quand elle eut fait le nœud de sa capote, elle s'assit sur le divan et resta silencieuse. « Partons-nous, » dit Frédéric. Elle regarda la pendule. « Oh non, pas avant 1h30, » comme si elle eût posé en elle-même cette limite à son incertitude. Enfin, l'heure ayant sonné, « Eh bien, andiamo, caro mio. » Et elle donna un dernier tour à ses bandeaux, fit des recommandations à Delphine. « Madame revient dîner. Pourquoi donc ? Nous dînerons ensemble quelque part au café anglais, où vous voudrez. Soit. » Ses petits chiens jappaient autour d'elle. « On peut les emmener, n'est-ce pas ?» Frédéric les porta lui-même jusqu'à la voiture. C'était une berline de louage avec deux chevaux de poste et un postillon. Il avait mis sur le siège de derrière son domestique. La maréchale parut satisfaite de ses prévenances. Puis, dès qu'elle fut assise, lui demanda s'il avait été chez Arnoux dernièrement. « Pas depuis un mois, » dit Frédéric. « Moi, je l'ai rencontré avant-hier. Il serait même venu aujourd'hui. Mais il a toutes sortes d'embarras. Encore un procès, je ne sais quoi. Quel drôle d'homme. » « Oui, très drôle. » Frédéric ajouta d'un air indifférent. « À propos, voyez-vous toujours, comment l'appelez-vous, cet ancien chanteur, Delmar ?» Elle répliqua sèchement, « Non, c'est fini. » Ainsi, la rupture était certaine. Frédéric en conçut de l'espoir. Ils descendirent au pâle quartier Bréda. Les rues, à cause du dimanche, étaient désertes et des figures de bourgeois apparaissaient derrière des fenêtres. La voiture prit un train plus rapide. Le bruit des roues faisait se retourner les passants. Le cuir de la capote rabattue brillait. Le domestique se cambrait la taille. Et les deux avanaient l'un près de l'autre semblaient deux manchons d'hermine posés sur les coussins. Frédéric se laissait aller au bercement des soupentes. La maréchale tournait la tête à droite et à gauche en souriant. Son chapeau de paille nacré avait une garniture de dentelle noire. Le capuchon de son burnous flottait au vent. Et elle s'abritait du soleil sous une ombrelle de satin lilas, pointue par le haut comme une pagode. « Quels amours de petits doigts !» dit Frédéric, en lui prenant doucement l'autre main. La gauche, ornée d'un bracelet d'or en forme de gourmette. « Tiens, c'est mignon, d'où cela vient-il ? » « Oh, il y a longtemps que je l'ai, » dit la maréchale. Le jeune homme n'objecta rien à cette réponse hypocrite. Il aima mieux profiter de la circonstance. Et lui tenant toujours le poignet, il appuya dessus ses lèvres, entre le gant et la manchette. « Finissez, on va nous voir. »« Bah, qu'est-ce que cela fait ?» Après la place de la Concorde, ils prirent par le quai de la Conférence et le quai de Billy, où l'on remarque un cèdre dans un jardin. Rosanette croyait le Liban situé en Chine. Elle rit elle-même de son ignorance et pria Frédéric de lui donner des leçons de géographie. Puis, laissant à droite le Trocadéro, ils traversèrent le pont d'Iéna et s'arrêtèrent enfin au milieu du Champ de Mars, près des autres voitures déjà rangées dans l'hippodrome. Les tertres de gazon étaient couverts de menus peuples. On apercevait des curieux sur le balcon de l'école militaire, et les deux pavillons en dehors du pesage, les deux tribunes comprises dans son enceinte, et une troisième devant celle du roi, se trouvaient remplis d'une foule en toilette qui témoignait, par son maintien, de la révérence pour ce divertissement encore nouveau. Le public des courses, plus spécial dans ce temps-là, avait un aspect moins vulgaire. C'était l'époque des sous-pieds, des collets de velours et des gants blancs. Les femmes, vêtues de couleurs brillantes, portaient des robes à taille longue et, assises sur les gradins des estrades, elles faisaient comme de grands massifs de fleurs, tachetés de noir, çà et là, par les sombres costumes des hommes. Mais tous les regards se tournaient vers le célèbre Algérien Boumaza, qui se tenait impassible entre deux officiers d'état-major dans une des tribunes particulières. Celle du Jockey Club contenait exclusivement des messieurs graves. Les plus enthousiastes s'était placé en bas contre la piste, défendu par deux lignes de bâtons supportant des cordes. Dans l'ovale immense que décrivait cette allée, des marchands de coco agitaient leurs crécelles, d'autres vendaient le programme des courses, d'autres criaient des cigares, un vaste bourdonnement s'élevait. Les gardes municipaux passaient et repassaient. Une cloche, suspendue à un poteau couvert de chiffres, tinta. Cinq chevaux parurent et on rentra dans les tribunes. Cependant, de gros nuages effleuraient de leur volute la cime des ormes en face. Rosanette avait peur de la pluie. « J'ai des riflards, » dit Frédéric,

sous une palatine de martre comme en plein hiver, Madame de Romousseau, mise à la mode par son procès, trônait sur le siège d'un break en compagnie d'Américains, et Thérèse Bachelu, avec son air de vierge gothique, emplissait de ses douces falbalas l'intérieur d'un escargot qui avait, à la place du tablier, une jardinière pleine de roses. La maréchale fut jalouse de ses gloires. Pour qu'on la remarquât, elle se mit à faire de grands gestes et à parler très haut. Des gentlemen la reconnurent, lui envoyèrent des saluts. Elle y répondait en disant leur nom à Frédéric. C'étaient tous comtes, vicomtes, ducs et marquis. Ils se rengorgeaient, car tous les yeux exprimaient un certain respect pour sa bonne fortune. Sisi n'avait pas l'air moins heureux dans le cercle d'hommes mûrs qui l'entouraient. Ils souriaient du haut de leurs cravates, comme se moquant de lui. Enfin, il tapa dans la main du plus vieux et s'avança vers la maréchale. Elle mangeait avec une gloutonnerie affectée une tranche de foie gras. Frédéric, par obéissance, l'imitait, en tenant une bouteille de vin sur ses genoux. Le milord reparut, c'était Madame Arnoux. Elle pâlit extraordinairement. « Donne-moi du champagne, » dit Rosanette. Et levant le plus haut possible son verre rempli, elle s'écria. « Ohé, là-bas, les femmes honnêtes, l'épouse de mon protecteur, ohé !» Des rires éclatèrent autour d'elle. Le milord disparut. Frédéric la tirait par sa robe, il allait s'emporter. Mais Sisi était là, dans la même attitude que tout à l'heure. Et avec un surcroît d'aplomb, il invita Rosanette à dîner pour le soir même. « Impossible, » répondit-elle, « nous allons ensemble au café anglais. » Frédéric, comme s'il n'eût rien entendu, demeura muet, et Sisi quitta la maréchale d'un air désappointé. Tandis qu'il lui parlait, debout contre la portière de droite, Hussonnet était survenu du côté gauche et relevant ce mot de café anglais. « C'est un joli établissement, si l'on y cassait une croûte, hein ?»« Comme vous voudrez, » dit Frédéric, qui, affaissé dans le coin de la berline, regardait à l'horizon le milord disparaître, sentant qu'une chose irréparable venait de se faire et qu'il avait perdu son grand amour. Et l'autre était là, près de lui, l'amour joyeux et facile, mais, lassé, plein de désirs contradictoires, et ne sachant même plus ce qu'il voulait, il éprouvait une tristesse démesurée, une envie de mourir. Un grand bruit de pas et de voix lui fit relever la tête. Les gamins, enjambant les cordes de la piste, venaient regarder les tribunes, on s'en allait. Quelques gouttes de pluie tombèrent. L'embarras des voitures augmenta. Hussonnet était perdu. « Eh bien, tant mieux, » dit Frédéric. « On préfère être seul, » reprit la maréchale en posant la main sur la sienne. Alors passa devant eux, avec des miroitements de cuivre et d'acier, un splendide landau attelé de 4 chevaux conduit à la Daumont par 2 jockeys en veste de velours à crépine d'or. Madame d'Ambreuse était près de son mari, Martinon sur l'autre banquette en face, tous les trois avaient des figures étonnées. « Ils m'ont reconnu, » se dit Frédéric. Rosanette voulut qu'on arrêtât pour mieux voir le défilé. Madame Arnoux pouvait reparaître. Il cria au postillon « va donc, en avant !» Et la berline se lança vers les Champs-Élysées, au milieu des autres voitures, calèche, briska, Wörth, tandem, Tilbury, dog-cart, tapissière à rideaux de cuir où chantaient des ouvriers en goguette, demi-fortune que dirigeaient avec prudence des pères de famille eux-mêmes. Dans des victorias bourrées de monde, quelques garçons assis sur les pieds des autres laissaient pendre en dehors ses 2 jambes. 2 grands coupés à siège de drap promenaient des douairières qui sommeillaient. Ou bien un stepper magnifique passait, emportant une chaise, simple et coquette comme l'habit noir d'un dandy. L'averse cependant redoublait. On tirait les parapluies, les parasols, les mackintosh. On se criait de loin. « Bonjour, ça va bien ?»« Oui ?»« Non ?»« À tantôt !» Et les figures se succédaient avec une vitesse d'ombre chinoise. Frédéric et Rosanette ne se parlaient pas, éprouvant une sorte d'hébétude à voir auprès d'eux, continuellement, toutes ces roues tournées. Par moments, les files de voitures, trop pressées, s'arrêtaient tout à la fois sur plusieurs lignes. Alors, on restait les uns près des autres, et l'on s'examinait. Du bord des panneaux armoriés, des regards indifférents tombaient sur la foule. Des yeux pleins d'envie brillaient au fond des fiacres. Des sourires de dénigrement répondaient aux ports de tête orgueilleux. Des bouches grandes ouvertes exprimaient des admirations imbéciles, et ça et là, quelques flâneurs, au milieu de la voie, se rejetaient en arrière d'un bond pour éviter un cavalier qui galopait entre les voitures et parvenait à en sortir. Puis tout se remettait en mouvement.

Je ne voudrais pas que son dévouement pour mes roquets le fît mourir. » La porte retomba. « Eh bien ?» dit Hussonnet. « Eh bien quoi ? Je croyais... Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous ne... » Il compléta sa phrase par un geste. « Eh non, jamais de la vie !» Hussonnet n'insista pas davantage. Il avait eu un but en s'invitant à dîner. Son journal, qui ne s'appelait plus l'art mais le flambard, avec cette épigraphe, « Canonnier à vos pièces », ne prospérant nullement. Il avait envie de le transformer en une revue hebdomadaire, seul, sans le secours de Deslauriers. Il reparla de l'ancien projet et exposa son plan nouveau. Frédéric, ne comprenant pas sans doute, répondit par des choses vagues. Hussonnet empoigna plusieurs cigares sur la table et dit « Adieu, mon bon », et disparut. Frédéric demanda la note. Elle était longue, et le garçon, la serviette sous le bras, attendait son argent quand un autre, un individu blafard qui ressemblait à Martinon, vint lui dire « Faites excuse, on a oublié au comptoir de porter le fiacre. » « Quel fiacre ?»« Celui que ce monsieur a pris tantôt pour les petits chiens. » Et la figure du garçon s'allongea, comme s'il eût plaint le pauvre jeune homme. Frédéric eut envie de le gifler. Il donna de pourboire les 20 francs qu'on lui rendait. « Merci, monseigneur, » dit l'homme à la serviette avec un grand salut. Frédéric passa la journée du lendemain à ruminer sa colère et son humiliation. Il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sisi. Quant à la maréchale, il se jura de ne plus la revoir. D'autres aussi belles ne manquaient pas, et puisqu'il fallait de l'argent pour posséder ces femmes-là, il jouerait à la bourse le prix de sa ferme. Il sera riche. Il écraserait de son luxe la maréchale et tout le monde. Le soir venu, il s'étonna de n'avoir pas songé à Madame Arnoux. Tant mieux, à quoi bon ? Le surlendemain, dès 8 heures, Pellerin va lui faire visite. Il commença par des admirations sur le mobilier, des cajoleries, puis brusquement. « Vous étiez aux courses dimanche ?»« Oui, hélas. » Alors le peintre déclama contre l'anatomie des chevaux anglais, vanta les chevaux de Géricault, les chevaux du Parthénon. « Rosanette était avec vous ?» Et il entama son éloge adroitement. La froideur de Frédéric le décontenança. Il ne savait comment en venir au portrait. Sa première intention avait été de faire un Titien, mais peu à peu, la coloration variée de son modèle l'avait séduit. Il avait travaillé franchement, accumulant pâte sur pâte et lumière sur lumière. Rosanette fut enchantée d'abord. Ses rendez-vous avec Delmar avaient interrompu les séances et laissé à Pellerin tout le temps de s'éblouir. Puis, l'admiration s'apaisant, il s'était demandé si sa peinture ne manquait point de grandeur. Il avait été revoir les Titiens, avait compris la distance, reconnu sa faute, et il s'était mis à repasser ses contours simplement. Ensuite, il avait cherché, en les rongeant, à y perdre, à y mêler les tons de la tête et ceux des fonds, et la figure avait pris de la consistance, les ombres de la vigueur, tout paraissait plus ferme. Enfin, la maréchale était revenue. Elle s'était même permis des objections. L'artiste, naturellement, avait persévéré. Après de grandes fureurs contre sa sottise, il s'était dit qu'elle pouvait avoir raison. Alors avait commencé l'ère des doutes, tiraillement de la pensée qui provoquèrent les crampes d'estomac, les insomnies, la fièvre, le dégoût de soi-même. Il avait eu le courage de faire des retouches, mais sans cœur et sentant que sa besogne était mauvaise. Il se plaignit seulement d'avoir été refusé au salon, puis reprocha à Frédéric de ne pas être venu voir le portrait de la maréchale. « Je me moque bien de la maréchale !» Une déclaration pareille l'enhardit. Croyez-vous que cette bête-là n'en veut plus maintenant ? Ce qu'il ne disait point, c'est qu'il avait réclamé d'elle 1000 écus. Or, la maréchale s'était peu souciée de savoir qui paierait, et préférant tirer d'Arnoux des choses plus urgentes, ne lui en avait même pas parlé. « Eh bien, et Arnoux ?» dit Frédéric. Elle l'avait relancé vers lui. L'ancien marchand de tableaux n'avait que faire du portrait. Il soutient que ça appartient à Rosanette. En effet, c'est à elle. Comment ? C'est elle qui m'envoie vers vous, répliqua Pellerin. S'il eût cru à l'excellence de son œuvre, il n'eût pas songé peut-être à l'exploiter. Mais une somme, et une somme considérable, serait un démenti à la critique, un raffermissement pour lui-même. Frédéric, afin de s'en délivrer, s'enquit de ses conditions courtoisement. L'extravagance du chiffre le révolta. Il répondit : Non, ah non ! « Vous êtes pourtant son amant, c'est vous qui m'avez fait la commande. »« J'étais l'intermédiaire, permettez. »« Mais je ne peux pas rester avec ça sur les bras. »« L'artiste s'emportait. Ah, je ne vous croyais pas si cupide. Ni vous si avare, serviteur. Il venait de partir que Sénégal se présenta. Frédéric, troublé, eut un mouvement d'inquiétude. Qu'y a-t-il ? Sénégal conta son histoire. Samedi, vers 9 heures, Madame Arnoux a reçu une lettre qui l'appelait à Paris. Comme personne par hasard ne se trouvait là pour aller à Creil chercher une voiture, elle avait envie de m'y faire aller moi-même. J'ai refusé, car ça ne rentre pas dans mes fonctions. Elle est partie et est revenue dimanche soir. Hier matin, Arnoux tombe à la fabrique. La Bordelaise s'est plainte. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais il a levé son amende devant tout le monde. Nous avons échangé des paroles vives. Bref, il m'a donné mon compte et me voilà. Puis, détachant ses paroles, « Au reste, je ne me repens pas, j'ai fait mon devoir. N'importe, c'est à cause de vous. Comment ?» s'écria Frédéric, ayant peur que Sénégal ne l'eût deviné. Sénégal n'avait rien deviné car il reprit. « C'est-à-dire que sans vous, j'aurais peut-être trouvé mieux. » Frédéric fut saisi d'une espèce de remords. « En quoi puis-je vous servir maintenant ?» Sénégal demandait un emploi quelconque, une place. « Cela vous est facile, vous connaissez tant de monde. Monsieur Nombreuse, entre autres, à ce que m'a dit Deslauriers. » Ce rappel de Deslauriers fut désagréable à son ami. Il ne se souciait guère de retourner chez les Nombreuses depuis la rencontre du Champ de Mars. « Je ne suis pas suffisamment intime dans la maison pour recommander quelqu'un. » Le démocrate essuya ce refus stoïquement, et après une minute de silence, « Tout cela, j'en suis sûr, vient de la Bordelaise et aussi de votre Madame Arnoux. » Ce vôtre ôta du cœur de Frédéric le peu de bon vouloir qu'il gardait. Par délicatesse, cependant, il atteignit la clé de son secrétaire. Sénécal le prévint. « Merci. » Puis, oubliant ses misères, il parla des choses de la patrie, les croix d'honneur prodiguées à la fête du roi, un changement de cabinet, les affaires Drouillard et Beignet, scandale de l'époque, déclama contre les bourgeois et prédit une révolution. Un crin japonais, suspendu contre le mur, arrêta ses yeux. Il le prit, en essaya le manche, puis le rejeta sur le canapé avec un air de dégoût. « Allons, adieu, il faut que j'aille à Notre-Dame-de-Lorette. Tiens, pourquoi ?»« C'est aujourd'hui le service anniversaire de Godefroy Cavagnac. Il est mort à l'œuvre, celui-là. Mais tout n'est pas fini, qui sait ?» Et Sénécal tendit sa main gravement. « Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Adieu. » Cet adieu, répété 2 fois, son froncement de sourcils en contemplant le poignard, sa résignation et son air solennel, surtout, fit rêver Frédéric, qui bientôt n'y pensa plus. Dans la même semaine, son notaire du Havre lui envoya le prix de sa ferme, 174 000 francs. Il en fit 2 parts, plaça la première sur l'État, et alla porter la seconde chez un agent de change pour la risquer à la bourse. Il mangeait dans les cabarets à la mode, fréquentait les théâtres et tâchait de se distraire quand Hussonnet lui adressa une lettre où il narrait gaiement que le maréchal, dès le lendemain des courses, avait congédié Sisy. Frédéric en fut heureux, sans chercher pourquoi le bohème lui apprenait cette aventure. Le hasard voulut qu'il rencontrât Sisy 3 jours après. Le gentilhomme fit bonne contenance et l'invita même à dîner pour le mercredi suivant. Frédéric, le matin de ce jour-là, reçut une notification d'huissier où M. Charles Jean-Baptiste Audry lui apprenait qu'au terme d'un jugement du tribunal, il s'était rendu acquéreur d'une propriété sise à Belleville, appartenant au sieur Jacques Arnoux, et qu'il était prêt à payer les 223 000 francs, montant du prix de la vente. Mais il résultait du même acte que la somme des hypothèques dont l'immeuble était grevé dépassant le prix de l'acquisition, la créance de Frédéric se trouvait complètement perdue. Tout le mal venait de n'avoir pas renouvelé en temps utile une inscription hypothécaire. Arnoux s'était chargé de cette démarche et l'avait ensuite oubliée. Frédéric s'emporta contre lui, et quand sa colère fut passée, « Eh bien après, quoi ? Si cela peut le sauver, tant mieux, je ne mourrai pas, n'y pensons plus. » Mais en remuant ses paperasses sur sa table, il rencontra la lettre de Hussonnet et aperçut le post-scriptum, qu'il n'avait point remarqué la première fois. Le bohème demandait 5 000 francs, tout juste, pour mettre l'affaire du journal en train. « Ah, celui-là m'embête !» Et il le refusa brutalement dans un billet laconique, après quoi il s'habilla pour se rendre à la Maison d'Or. Sisy présenta ses convives, en commençant par le plus respectable, un gros monsieur à cheveux blancs. « Le marquis Gilbert des Aunais, mon parrain. Monsieur Anselme de Fourchambeau, dit-il ensuite. C'était un jeune homme blond et fluet, déjà chauve. Puis, désignant un quadragénaire d'allure simple, « Joseph Beaufre, mon cousin. Et voici mon ancien professeur, M. Vezou, personnage moitié charretier, moitié séminariste, avec deux gros favoris et une longue redingote boutonnée dans le bas par un seul bouton, de manière à faire châle sur la poitrine. » Sizi attendait encore quelqu'un, le baron de Comin, qui peut-être viendra, ce n'est pas sûr. Il sortait à chaque minute, paraissait inquiet. Enfin, à 8 heures, on passa dans une salle éclairée magnifiquement et trop spacieuse pour le nombre des convives. Sizi l'avait choisi par pompe tout exprès. Un surtout de vermeil, chargé de fleurs et de fruits, occupait le milieu de la table, couverte de plats d'argent, suivant la vieille mode française. Des raviers, pleins de salaisons et d'épices, formaient bordure tout autour. Des cruches de vin rosa frappées de glace se dressaient de distance en distance. 5 verres de hauteurs différentes étaient alignés devant chaque assiette, avec des choses dont on ne savait pas l'usage, 1000 ustensiles de bouche ingénieux. Et il y avait, rien que pour le premier service, une hure d'esturgeon mouillé de champagne, un jambon d'York au toquet, des grives au gratin, des cailles rôties, un vol-au-vent béchamel, un sauté de perdrix rouge, et au debout de tout cela, des effilés de pommes de terre qui étaient mêlés à des truffes. Un lustre et des girandoles illuminaient l'appartement tendu de damas rouge. 4 domestiques en habit noir se tenaient derrière les fauteuils de maroquin. À ce spectacle, les convives se récrièrent, le précepteur surtout. « Notre amphitryon, ma parole, a fait de véritables folies. C'est trop beau. »« Ça, » dit le vicomte de Sizi, « allons donc. » Et dès la première cuillerée, « Eh bien, mon vieux Désonnet, avez-vous été au Palais-Royal, voir père et portier ?»« Tu sais bien que je n'ai pas le temps, » répliqua le marquis. Ses matinées étaient prises par un cours d'arboriculture, ses soirées par le cercle agricole, et toutes ses après-midi par des études dans les fabriques d'instruments aratoires. Habitant la Saintonge, les 3/4 de l'année, et il profitait de ses voyages dans la capitale pour s'instruire, et son chapeau à large bord, posé sur une console, était plein de brochures. Mais Sizi, s'apercevant que M. de Fourchambault refusait du vin, « Buvez donc, sa prolote. Vous n'êtes pas crâne pour votre dernier repas de garçon. » À ce mot, tous s'inclinèrent, on le congratulait. « Et la jeune personne, dit le précepteur, est charmante, j'en suis sûr. » « Parbleu, s'écria Sizi. N'importe, il a tort, c'est si bête le mariage. » « Tu parles légèrement, mon ami, » répliqua M. Daunet, tandis qu'une larme roulait dans ses yeux au souvenir de sa défunte. Et Fourchambault répéta plusieurs fois de suite en ricanant. « Vous y viendrez vous-même, vous y viendrez. » Sizi protesta. Il aimait mieux se divertir, être régence. Il voulait apprendre la savate pour visiter les tapis francs de la cité, comme le prince Rodolphe des mystères de Paris. Tira de sa poche un brûle-gueule, rudoyait les domestiques, buvait extrêmement, et afin de donner de lui bonne opinion, dénigrait tous les plats. Il renvoyait même les truffes, et le précepteur qui s'en délectait dit par bassesse « Cela ne vaut pas les yeux à la neige de madame votre grand-mère. » Puis, il se remit à causer avec son voisin l'agronome, lequel trouvait au séjour de la campagne beaucoup d'avantages, ne serait-ce que de pouvoir élever ses filles dans des goûts simples. Le précepteur applaudissait à ses idées et le flagornait, lui supposant de l'influence sur son élève, dont il désirait secrètement être l'homme d'affaires. Frédéric était venu plein d'humeur contre Sizi. Sa sottise l'avait désarmé, mais ses gestes, sa figure, toute sa personne lui rappelant le dîner du café anglais, l'agaçaient de plus en plus. Et il écoutait les remarques désobligeantes que faisait à demi-voix le cousin Joseph, un brave garçon sans fortune, amateur de chasse et boursier. Sizi, par manière de rire, l'appela voleur plusieurs fois, puis, tout à coup, « Ah, le baron !» Alors, entra un gaillard de 30 ans, qui avait quelque chose de rude dans la physionomie, de souple dans les membres, le chapeau sur l'oreille et une fleur à la boutonnière. C'était l'idéal du vicomte, et il fut ravi de le posséder, et sa présence l'excitant, il tenta même un calembour, car il dit, comme on passait un coq de bruyère, « Voilà le meilleur des caractères de la bruyère !» Ensuite, il adressa à M. de Comin une foule de questions sur des personnes inconnues à la société. Puis, comme saisi d'une idée, « Dites donc, avez-vous pensé à moi ?»

Frédéric, lui ayant conté la chose brièvement, réclama son assistance. Le citoyen commença par ne rien répondre. Il roulait des yeux, avait l'air de réfléchir, fit plusieurs tours dans la salle et dit enfin « Oui, volontiers ». Et un sourire homicide le dérida, en apprenant que l'adversaire était un noble. « Nous le ferons marcher tambour battant, soyez tranquille. D'abord, avec l'épée. Mais peut-être, objecta Frédéric, que je n'ai pas le droit. Je vous dis qu'il faut prendre l'épée, » répliqua brutalement le citoyen. « Savez-vous tirer ? » ?»« Un peu. » « Ah, un peu. Voilà comme ils sont tous. Ils ont la rage de faire assaut. Qu'est-ce que ça prouve, la salle d'armes ? Écoutez-moi. Tenez-vous bien à distance en vous enfermant toujours dans des cercles et rompez, rompez. C'est permis, fatiguez-le. Puis fendez-vous dessus, franchement, et surtout, pas de malice, pas de coups à la fougère, non. De simples une deux, des dégagements. Tenez, voyez-vous ? En tournant le poignet comme pour ouvrir une serrure. Père Vautier, donnez-moi votre canne. Ah, cela suffit. Il empoigna la baguette qui servait à allumer le gaz, arrondit le bras gauche, plia le droit, et se mit à pousser des bottes contre la cloison. Il frappait du pied, s'animait, feignait même de rencontrer des difficultés tout en criant « Y es-tu, là, y es-tu ?» Et sa silhouette énorme se projetait sur la muraille, avec son chapeau qui semblait toucher au plafond. Le limonadier disait de temps en temps « Bravo, très bien !» Son épouse également l'admirait, quoique émue, et Théodore, un ancien soldat, en restait cloué d'ébahissement, étant, du reste, fanatique de M. Roginbard. Le lendemain, de bonne heure, Frédéric courut au magasin de Dussardier. Après une suite de pièces, toutes remplies d'étoffes garnissant des rayons ou étendues en travers sur les tables, tandis que çà et là des champignons de bois supportaient des châles, il l'aperçut dans une espèce de cage grillée au milieu de registres, écrivant debout sur un pupitre. Le brave garçon lâcha immédiatement sa besogne. Les témoins arrivèrent avant midi. Frédéric, par bon goût, crut devoir ne pas assister à la conférence. Le baron et M. Joseph déclarèrent qu'ils se contenteraient des excuses les plus simples, mais Roginbard, ayant pour principe de ne céder jamais et qui tenait à défendre l'honneur d'Arnoux, Frédéric ne lui avait point parlé d'autre chose, demanda que le vicomte fît des excuses. M. de Comin fut révolté de l'outrecuidance. Le citoyen n'en voulut pas démordre. Toute conciliation devenant impossible, on se battrait. D'autres difficultés surgirent, car le choix des armes légalement appartenait à Sisy, l'offensé. Mais Roginbard soutint que par l'envoi du cartel, il se constituait l'offenseur. Ses témoins se récrièrent qu'un soufflet, cependant, était la plus cruelle des offenses. Le citoyen épilogua sur les mots, un coup n'étant pas un soufflet. Enfin, on décida qu'on s'en rapporterait à des militaires, et les quatre témoins sortirent pour aller consulter des officiers dans une caserne quelconque. Ils s'arrêtèrent à celle du Quai d'Orsay. M. de Comin, ayant abordé deux capitaines, leur exposa la contestation. Les capitaines n'y comprirent goutte, embrouillés qu'elle fut par les phrases incidentes du citoyen. Bref, ils conseillèrent à ces messieurs d'écrire un procès-verbal, après quoi ils décideraient. Alors on se transporta dans un café, et même, pour faire les choses plus discrètement, on désigna Sisy par H et Frédéric par un K. Puis, on retourna à la caserne. Les officiers étaient sortis. Ils reparurent et déclarèrent qu'évidemment le choix des armes appartenait à M. H. Tous s'en revinrent chez Sisy, Roginbard et Dussardier restèrent sur le trottoir. Le vicomte, en apprenant la solution, fut pris d'un si grand trouble qu'il se la fit répéter plusieurs fois, et quand M. de Comin en vint en prétention de Roginbard, il murmura cependant, n'étant pas loin, en lui-même, d'y obtempérer. Puis, il se laissa choir dans un fauteuil et déclara qu'il ne se battrait pas. « Hein, comment ?» dit le baron. Alors, Sisy s'abandonna à un flux labial désordonné. Il voulait se battre au tromblon, à bout portant, avec un seul pistolet. Ou bien on mettra de l'arsenic dans un verre, qui sera tiré au sort. Ça se fait quelquefois, je l'ai lu. Le baron, peu endurant naturellement, le rudoya. Ces messieurs attendent votre réponse. C'est indécent à la fin. Que prenez-vous, voyons ? Est-ce l'épée ? Le vicomte répliqua oui, par un signe de tête, et le rendez-vous fut fixé pour le lendemain à la porte Maillot à 7 heures juste. Dussardier étant contraint de s'en retourner à ses affaires, Roginbard alla prévenir Frédéric. On l'avait laissé toute la journée sans nouvelles.

tout le mal répandu sur la terre, il l'attribuait naïvement au pouvoir, et il le haïssait d'une haine essentielle, permanente, qui lui tenait tout le cœur et raffinait sa sensibilité. Les déclamations de Sénécal l'avaient ébloui. Qu'il fût coupable ou non, et sa tentative odieuse, peu importait. Du moment qu'il était la victime de l'autorité, on devait le servir. Les pères le condamneront, certainement. Puis il sera emmené dans une voiture cellulaire comme un galérien, et on l'enfermera au Mont-Saint-Michel, où le gouvernement les fait mourir. Austin est devenu fou. Steuben s'est tué. Pour transférer Barbès dans un cachot, on l'a tiré par les jambes, par les cheveux. On lui piétinait le corps, et sa tête rebondissait à chaque marche tout le long de l'escalier. Quelle abomination, les misérables! Des sanglots de colère l'étouffaient, et il tournait dans la chambre comme pris d'une grande angoisse. « Il faudrait faire quelque chose cependant, voyons. Moi, je ne sais pas. Si nous tâchions de le délivrer, hein? Pendant qu'on le mènera au Luxembourg, on peut se jeter sur l'escorte dans le couloir. Une douzaine d'hommes déterminés, ça passe partout. » Il y avait tant de flammes dans ses yeux que Frédéric en tressaillit. Sénécal lui apparut plus grand qu'il ne croyait. Il se rappela ses souffrances, sa vie austère. Sans avoir pour lui l'enthousiasme de Dussardier, il éprouvait néanmoins cette admiration qu'inspire tout homme se sacrifiant à une idée. Il se disait que s'il l'eût secouru, Sénécal n'en serait pas là, et les deux amis cherchèrent laborieusement quelques combinaisons pour le sauver. Il leur fut impossible de parvenir jusqu'à lui. Frédéric s'enquérait de son sort dans les journaux et pendant 3 semaines fréquenta les cabinets de lecture. Un jour, plusieurs numéros du Flambard lui tombèrent sous la main. L'article de fond, invariablement, était consacré à démolir un homme illustre. Venaient ensuite les nouvelles du monde, les cancans. Puis, on blaguait l'Odéon, Carpentras, la pisciculture, et les condamnait à mort quand ils n'en avaient. La disparition d'un paquebot fournit matière à plaisanterie pendant 1 an. Dans la 3e colonne, un courrier des arts donnait, sous forme d'anecdotes ou de conseils, des réclames de tailleurs, avec des comptes rendus de soirées, des annonces de vente, des analyses d'ouvrages, traitant de la même encre un volume de verre et une paire de bottes. La seule partie sérieuse était la critique des petits théâtres, où l'on s'acharnait sur 2 ou 3 directeurs. Et les intérêts de l'art étaient invoqués à propos des décors des funambules ou d'une amoureuse des délassements. Frédéric allait rejeter tout cela quand ses yeux rencontrèrent un article intitulé « Une poulette entre 3 cocos ». C'était l'histoire de son duel, narré en un style sémillant gaulois. Il se reconnut sans peine car il était désigné par cette plaisanterie, laquelle revenait souvent, un jeune homme du collège de Sens et qui en manque. On le représentait même comme un pauvre diable de provincial, un obscur nigaud, tâchant de frayer avec les grands seigneurs. Quant au vicomte, il avait le beau rôle, d'abord dans le souper, où il s'introduisait de force, ensuite dans le Paris, puisqu'il emmenait la demoiselle et finalement sur le terrain, où il se comportait en gentilhomme. La bravoure de Frédéric n'était pas niée, précisément, mais on faisait comprendre qu'un intermédiaire, le protecteur lui-même, était survenu juste à temps. Le tout se terminait par cette phrase, grosse peut-être, de perfidie. « D'où vient leur tendresse ? Problème. Et comme dit Basile, qui diable est-ce qu'on trompe ici ?» C'était, sans le moindre doute, une vengeance d'Ussonnet contre Frédéric pour son refus des 5 000 francs. Que faire? S'il lui en demandait raison, le bohème protesterait de son innocence, et il n'y gagnerait rien. Le mieux était d'avaler la chose silencieusement. Personne, après tout, ne lisait le Flambard. En sortant du cabinet de lecture, il aperçut du monde devant la boutique d'un marchand de tableaux. On regardait un portrait de femme, avec cette ligne écrite en bas en lettres noires. Mademoiselle Rose Annette Bron, appartenant à M. Frédéric Moreau de Nogent. C'était bien elle, ou à peu près, vue de face, les seins découverts, les cheveux dénoués, et tenant dans ses mains une bourse de velours rouge, tandis que par derrière, un paon avançait son bec sur son épaule, en couvrant la muraille de ses grandes plumes en éventail. Pellerin avait fait cette exhibition pour contraindre Frédéric au paiement, persuadé qu'il était célèbre et que tout Paris, s'animant en sa faveur, allait s'occuper de cette misère. Était-ce une conjuration? Le peintre et le journaliste avaient-ils monté leur coup ensemble? Son duel n'avait rien empêché. Il devenait ridicule, tout le monde se moquait de lui. 3 jours après, à la fin de juin, les actions du Nord ayant fait 15 francs de hausse, comme il en avait acheté 2 000 l'autre mois, il se trouva gagné 30 000 francs. Cette caresse de la fortune lui redonna confiance. Il se dit qu'il n'avait besoin de personne, que tous ses embarras venaient de sa timidité, de ses hésitations.